I wrote down the track so you know it's fire. J'étais quand j'ai cru que tu étais la lune, mais tu étais juste une étoile filante. T'as volé mon cœur et t'as disparu dans la fumée. Mais pour les voitures, l'argent, tu étais vacillante. Est-ce que tu penses que demain tu vas vivre mieux? Est-ce que tu penses que je peux pas dire adieu? Est-ce que tu penses que tu peux te noyer dans mes yeux? Tu cumperas une miche, toi va faire ton mieux. كنت حاسبة راني غافل من شوف ساي فقت لك انا ليك من كوش ساي دي سيديت معاك من زيج كنت نية شعر غادتني سبتك ليا طيتك قلبي كيفاش وصلتي فيا تخوني انا نستاهل انا نستاهل يبغيكم يا ترجل انا غيني ميرو طاوك اللي بغيتي من باش كابيناتهم ليليا ترتاب باش تكوني معايا فزتي لقلبي خليتيني شفايا سمحيلي قصتي جا شفتها مش انتي يا لولا طلافين ربي كشافها غلطة مزيج نديرها وبليجي نطفيها بيلي كاملها Tu m'as trahi, j'étais quand j'ai cru que tu étais la lune, mais tu étais juste une étoile filante. T'as volé mon cœur et t'as disparu dans la fumée. Mais pour les voitures, l'argent, tu étais vacillante. Est-ce que tu penses que demain tu vas vivre mieux? Est-ce que tu penses que je peux pas dire adieu? Est-ce que tu penses que tu peux te noyer dans mes yeux? Tu perras une miche, toi va faire ton mieux. Plié chaud, gold et chalitni. Tous les jours, une mode, zet et fentini. Tébébti, quand tu berges à trouver, bin ou bin. Bête de chalit et gay, hey. J'étais quand j'ai cru que tu étais la lune, mais tu étais juste une étoile filante. T'as volé mon cœur et t'as disparu dans la fumée. Mais pour les voitures, l'argent, tu étais vacillante. Est-ce que tu penses que demain tu vas vivre mieux? Est-ce que tu penses que je peux pas dire adieu? Est-ce que tu penses que tu peux te noyer dans mes yeux?